lumière d'autres éléments pour vraiment comprendre ce qui est en train de se passer. Donc, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد donc voilà le groupe on a été créé donc ce sera le jeudi ce sera à 21h là on va parler du coronavirus on va essayer de parler en fonction de l'actualité mais au fur et à mesure je vais essayer de vous donner quelques éléments périphériques à le coronavirus et d'autres choses ou d'autres éléments que vous allez forcément avoir besoin de lire et de vous renseigner, de vous informer. Parce que ça ne sera pas suffisant. Et qu'à un moment donné, il faut comprendre que cette ignorance, elle nous a gagné, elle a pris le dessus sur nous. Pourquoi ? Ben parce qu'on s'est un peu trop investi dans ce monde et dans cette dunia. Ce qui fait qu'en fait, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, il y a plein de mauvaises doctrines, il y a plein de mauvaises... l'heure qu'on a prise, plein de mauvaises habitudes qu'on a prises, et on ajoute à cela l'ignorance par excellence d'Allah et de cette religion qui a fait que ça nous a fait perdre énormément de temps. Ce qui fait que maintenant on est rattrapé par notre ignorance. Là maintenant notre corps, notre esprit, notre vie, veut des réponses ou veut des solutions. Mais on ne peut pas lui en apporter. Pourquoi ? Ben parce qu'en fait, tout ce qu'on sait faire au jour d'aujourd'hui, c'est d'aller à l'école comme des... Excusez-moi du terme, j'ai peut-être un peu cru des fois, mais bon, ne le croyez pas mal. On va à l'école comme des abrutis, sans réfléchir qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire avaler, sans savoir si vraiment, avant de nous faire avaler des choses, il n'y a pas un nettoyage, justement, et après, finalement, de nous préparer pour être de bons serviteurs, de bons citoyens serviles, dociles, qui vont continuer, en fait, à construire ce système et cette société qui est, en fait, finalement, en train de nous détruire. Tout nous revient, quelque part. Mais bon, alhamdoulilah, il n'est jamais trop tard pour se réveiller, et le but, à travers ces cours, ainsi que ça va être, avec le temps de Shabbat, pourquoi pas de le structurer, mais de vous donner des outils, des moyens, des sources, des noms de scientifiques, de savants reconnus, réputés, qui ont créé des livres, qui font des conférences, qui sont pour certains plus ou moins encore des professeurs, des docteurs qui enseignent dans des universités, mais bon, là c'est plus le cas. Oui, il faut les laisser, ceux qui pensent qu'on est dans l'extrême. On verra bien, encore une fois, moi c'est pareil, il y a plein de gens qui me disaient à l'époque... un peu trop loin, et ainsi de suite. Bah, au jour d'aujourd'hui, je vois bien que, alhamdoulilah, grâce à Allah, j'ai pas été, je suis pas dépassé par les événements. Par contre, eux, si. Donc, tous ces gens-là, à un moment donné, c'est la réalité qui va les rattraper. Eh oui. Donc, bref, en tous les cas, voilà, l'objectif, en fait, voilà, de ce groupe, ça va être en même temps de vous donner des outils. Que vous puissiez, vous aussi, de votre côté, commencer à avoir des axes de recherche, des sources fiables où vous allez pouvoir prendre des informations. Et surtout, une chose, que ce soit dans la science religieuse ou autre, il ne faut pas se précipiter dans des conclusions et dans des affirmations. Moi, tout ce que je vais vous dire, il n'y a rien de ça, je n'affirme rien parce que c'est pas possible d'affirmer une chose qui est en mouvement. Tu ne peux pas, figer une chose qui bouge. Tu ne peux pas fixer une chose et la figer alors qu'elle bouge. Et c'est ce qui est en train de se passer pour le coronavirus. Bref, donc on va commencer, Inch'Allah. Les cours, donc, c'est à 21h, comme j'ai dit. L'intervention, on verra qui est-ce qui va intervenir et dans quel cadre il va intervenir et les sources qu'il a pour intervenir. Après d'intervenir à travers des petits messages par-ci, par-là, et ainsi de suite, le partage, pourquoi pas. Après, le but, c'est que il faut toujours prier et filtrer l'information. Parce qu'il y a une stratégie, c'est que trop d'informations va tuer l'information. Et ça, ils le savent, et c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font, eux. Pour l'instant, on va les nommer, eux. Ceux qui... voilà. Ceux qui sont au-dessus, ceux qui sont derrière le rideau. Alors, bon, je ne sais pas par quoi commencer, on va commencer comme ça et on prendra peut-être 10-15 minutes, histoire de juste vous rassurer un peu, de vous expliquer un peu le coronavirus et comment il est venu, il n'est pas tout seul. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde se divise en plusieurs catégories. Je ne parle pas au niveau, à l'échelle humaine, je parle à l'échelle étatique, société et voilà, gouvernement et ainsi de suite, continent. Et en fait, je vais vous parler tout doucement de certains aspects pour après revenir à l'essentiel. Mais en fait, ces blocs-là, ils se font la guerre. Ils se font la guerre et au jour d'aujourd'hui, il y a différents moyens de faire la guerre. Attention, ils ne regardent pas les dommages collatéraux qui vont nous retomber dessus. Pour eux, nous, on est encore une fois des serviteurs. On est leurs serviteurs. On leur est soumis et ils font ce qu'ils veulent. Ils décident de notre comment ça s'appelle. Quand ils décident, attention, ils ne décident de rien du tout. Qu'on soit bien d'accord. Religieusement parlant, parce que ça serait contradictoire ce que je viens de dire. Ils ne décident des choses que parce que Dieu a voulu que dans cet espace-temps, du fait que il y a des causes qui expliqueraient qu'on a délaissé la religion, ainsi de suite, et qu'ils ont repris le dessus. Oui, ça c'est un fait. Mais Allah a fait en sorte qu'en fait, qu'on soit dans ce laps de temps, dans cette étape, dans cet espace-temps. Et du coup, Allah a créé, c'est lui qui a créé ce qui est en train de se passer. Et maintenant, il va y avoir des acteurs et de ceux qui vont participer, des spectateurs, des victimes, des coupables, et ainsi de suite. Donc, en fait, maintenant, chacun d'entre moi, de vous, de qui que ce soit, va voir, en fait, sa place dans ce laps de temps. Est-ce que vous me suivez, vous me comprenez? Naam, exactement. Donc, en fait, ils n'ont rien fait de plus que ce qu'Allah a voulu, parce qu'en fait, on doit se détruire ou s'autodétruire, où il y aura une confrontation, un combat et ainsi de suite, et voilà. Mais parce qu'en fait, on arrive dans des périodes de troubles, qui est l'époque de l'Antéchrist, et que du coup, tout le monde doit forcément être dans un camp, ou dans un parti, ou dans un groupe, ou dans un certain aspect. Laisse ton frère tranquille et reste concentré parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Machallah, tu as quand même des informations, donc reste concentré. Tu peux apporter éventuellement des informations ou des choses positives et pas des court-circuiter le rappel ou l'intervention. Donc j'ai dit qu'en fait, voilà, il y a des blocs. Tout ça, je vais essayer de vous le dégrossir, de vous le mettre à une certaine échelle et au fur et à mesure, essayer de prendre un peu plus de recul pour avoir une image un peu plus globale. Donc en fait, tout ce qu'il faut comprendre par rapport au coronavirus en soi, c'est qu'il y a des conflits entre les sociétés, entre les gouvernements, entre les États. D'accord? L'hégémonie de domination et de s'accaparer d'autres terres et d'autres énergies, et ainsi de suite, c'est toujours d'actualité. C'est-à-dire que les gouvernements et les États et les pays, ils sont dans des guerres, sauf que, en fait, ils s'adressent à leur peuple comme vous vous adressez à vos enfants. Pour leur faire passer des informations à vos enfants, vous leur parlez comme, voilà, de la manière dont ils vont comprendre. Et nous, en fait, c'est la même chose, en fait. Ces gens-là, pour eux, nous ne sommes que du bétail. On n'a pas suffisamment de compréhension, de connaissance pour comprendre l'enjeu qu'ils sont en train de mener. D'accord? Donc, eux, pour eux, en fait, ils le savent qu'ils ne peuvent pas nous dire les choses. Enfin, ils le savent. Ils pensent qu'ils ne peuvent pas nous dire les choses. Et du coup, ils nous font tout un montage pour nous amener, en fait, finalement, à un objectif, qui est servir les intérêts de tel ou tel gouvernement. Donc là, en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a un concept qui s'appelle le nouvel ordre mondial, qui n'existe pas depuis aujourd'hui, qui existe même religieusement parlant. quelque part, c'est un projet qui a été volé aux musulmans ou à l'islam. Pourquoi ? Il y a un verset où Allah dit « يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُطْفِئَ نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ يُتِمُّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ » Ils veulent éteindre la lumière d'Allah par leur bouche, mais Allah va faire en sorte que cette lumière va tout parachever. Et en fait, on sait que dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vers la fin des temps, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, l'islam va redevenir dominant et conquérant comme il l'a été à l'époque. Et à l'époque, il n'a pas fini son travail. Pourquoi ? Parce que les temps n'étaient pas encore finis. L'histoire n'était pas encore finie. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'histoire du Coran ou l'histoire de ce monde ne sont pas des chapitres séparés entre tel prophète jusqu'à tel prophète jusqu'à tel prophète. En fait, ce n'est qu'une histoire continue. La preuve est que le premier prophète, il a mis en garde contre l'Antéchrist. Tous les prophètes ont mis en garde contre l'Antéchrist. Donc en fait, cette histoire, elle a commencé depuis la création de Adam alayhi salam avec l'ennemi, Ash-Shaytan, et tous ceux qui l'ont suivi parmi les djinns et les êtres humains. Et ils ont comploté, ils ont rusé depuis la nuit des temps jusqu'à la fin. D'accord ? Et donc, comme je disais, ça dépend de chacun maintenant dans quel laps ou dans quelle situation il se trouve. Et ce sujet-là, donc du nouvel ordre mondial, il est connu dans la religion, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le Mahdi il apparaîtra, il le fera, il y fera, il accomplira la tâche pour laquelle il a été créé et assisté, ça va être finalisé par qui ? Par Isa ibn Maryam. C'est que Jésus va redescendre et c'est à lui d'accomplir cette mission-là que la terre entière sera soumise à Allah. Il n'y a pas une parcelle de terre sur cette planète qui ne sera pas soumise à Allah et il n'y aura plus aucun mécréant sur terre pendant ce laps de temps. Donc en fait, ce que eux ils sont en train de créer comme projet, c'est le projet qu'Allah avait déjà créé, qu'avait déjà déterminé ou décidé d'accomplir. Mais en même temps, il laisse ses ennemis faire ce qu'ils ont à faire. Pourquoi ? Ben pour leur dire leur ardoise et pour que le jour du jugement, ils prennent leur pleine rétribution. Et en fait, après, c'est chacun où est-ce que se situe dans ce monde. Donc en fait, ce projet du nouvel ordre mondial, avec le temps, avec les époques et avec les années, il a été affiné, peaufiné grâce à la science, grâce à la planification à travers l'éducation et le système national, grâce au gouvernement, grâce aux différentes révolutions, aux différents coups d'État, aux différents changements de régime, mais ça a toujours été leur objectif. Beaucoup de gens, quand Inch'Allah, on aura le temps de parler sur le cas d'Hitler, sur le cas du Tsar, de ce qui se passe en Palestine, de ce qui se passe au Moyen-Orient, des accords de Balfour, en fait, vous allez mieux comprendre Inch'Allah avec le temps et finalement vous allez comprendre que le coronavirus en fait n'est qu'une des parties émergées de l'iceberg, mais que sinon finalement ça dépasse le coronavirus, c'est une arnaque. Le coronavirus en soi, même en soi, en termes ou en tant que maladie, c'est une arnaque. Et on va y revenir dessus. Donc en fait, l'objectif de ce nouvel ordre mondial, c'est maintenant, j'essaierai de vous orienter, de vous envoyer des livres. Je sais pas à qui, je l'ai déjà fait, je vous avais envoyé un livre de Claire Sévrac, qui a écrit pas mal de livres, et franchement, en termes de véracité, d'honnêteté, après, je la considère comme telle, mais Allah connaît mieux sa situation. Mais quand on regarde par rapport à ce qui se fait d'un point de vue contenu, d'information, de recherche, et ainsi de suite, elle est quand même très bien placée. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle a été tuée. Donc, soi-disant, elle est malade, et comme par hasard, elle est malade. Enfin, elle est tombée malade. Bref, elle est morte de cette maladie. Et cette personne-là, elle a fait un livre, et je ne sais plus à qui l'ai partagé, qui s'appelle « La guerre secrète contre les peuples ». Donc elle, elle était plus orientée tout ce qui est qui touche la santé. Voilà. Donc elle s'est en fait concentrée sur le lobby de la santé, on va dire, de tout ce qui concerne la santé, l'industrie pharmaceutique, la médecine en elle-même, le domaine médical, le corps médical, et ainsi de suite. Elle a démonté pas mal de choses. Et ce livre-là, machallah, c'est une bombe. Voilà. Donc je vous donnerai au fur et à mesure des liens de livres et ainsi de suite, parce que finalement, les cours, enfin, les interventions qu'on fera, ça sera que pour vous débriefer et vous mâcher le travail, mais l'objectif, comme j'essaie de le faire à travers les cours religieux, c'est de ne pas tout le temps vous mâcher le travail. Vous avez tous un esprit, vous avez tous un... On a tous été créés de la même manière, on a tous des capacités et des aptitudes. Maintenant, ça dépend qu'est-ce qu'on a mis comme fondement et comme base. Ah, je sais pas si tu l'as lu, effectivement. Mais pourquoi, en fait, c'est irréaliste? Parce qu'on vit dans le paradigme que eux nous ont créé. D'accord? Et au jour d'aujourd'hui, ce paradigme dans lequel on vit et qui nous ont créé, je vais peut-être en choquer beaucoup, parce qu'en fait, on est tenu à travers de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie, en fait. Il y a de la sorcellerie d'État. Et on y reviendra aussi dessus sur ça, mais c'est par cette sorcellerie que justement la franc-maçonnerie mondiale domine et a dominé depuis très longtemps. Et quand on voit en fait que cette culture, cette civilisation est encore présente aujourd'hui, en fait elle a déjà vu le jour il y a des siècles et des siècles et des siècles, et pendant certains passages de prophètes. On voit très bien que cette culture des pyramides, tout le symbolisme qui tourne autour, c'est pas de nous. La dernière civilisation, c'est la civilisation de Pharaon, Pharaon. Mais même si on revient à cette civilisation, c'est pas la dernière, c'est pas la première. Il y a eu d'autres civilisations de l'époque d'Ibrahim alayhi salam. Et si on veut en s'arrêter à cette époque-là avec Nemrod et ainsi de suite, on va se rendre compte que même là, c'est même pas le début. C'est là, ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est qu'en fait, cette inimitié, cette histoire a commencé depuis le début. Maintenant, c'est sûr que si tu prends un livre, tu prends le dernier chapitre, tu vas commencer à lire, tu vas dire, mais je comprends rien. Et en fait, tu vas être quelque part obligé de suivre le moule, à moins que tu dises, non, je peux pas me contenter que de cette information-là, il y a forcément, cette information n'est pas complète. Donc, tu vas commencer à revenir, à tourner les pages en marche arrière. Et là, tu vas commencer à mieux comprendre, en fait, ce qui se passe. Et du coup, tu vas avoir une autre vision des choses. Bref, donc le nouvel ordre mondial, ce concept-là, ce n'est pas un concept qui est inventé par eux. Ce n'est pas un concept qui leur correspond à eux, juste à eux. C'est un plan. Et ce plan-là, en fait, finalement, c'est pourquoi? Ben, c'est de pousser plus de gens en enfer, tout simplement. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est qu'Allah a créé ce monde où les djinns et les hommes, pour qu'ils l'adorent, c'est tout. Maintenant, l'enjeu, c'est ceux qui vont adorer Allah, ils seront forcément immunisés, entre guillemets. Ça ne veut pas dire qu'ils n'auront pas d'épreuves, ça ne veut pas dire que ça ne va pas être dur des fois, ça ne veut pas dire que... Et les autres, bah, ils auront la part dans cette dunya et l'akhirati, dans le delà, ils seront un châtiment. Donc, en fait, ce concept-là, donc, du nouvel ordre mondial, au jour d'aujourd'hui, il a vu plusieurs changements. OK? Et il y a deux concepts majoritaires. Les deux concepts majoritaires. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la guerre froide et les guerres n'ont jamais fini, n'ont jamais cessé. Ce discours-là, où ceux qui croient qu'il n'y a plus de guerre et ainsi de suite, ça, c'est le discours, malheureusement, des gens... complètement manipulés, tout simplement, par les médias, par le gouvernement, par la société dans laquelle ils vivent. En fait, ils n'ont même plus de réflexion, ces gens-là. Tout ce qu'on leur dit, ils prennent, ils mangent, ils avalent, ils boivent, et ils en redemandent même. Mais la guerre n'a jamais fini, en fait. Si on vient à regarder à travers les recherches et les travaux de certains scientifiques et de savants, de docteurs, de spécialistes dans le domaine, alors finalement on va se rendre compte que, subhanallah, plus une référence et un sujet sur les nouvelles guerres. Les nouvelles guerres, elles sont de type bactériologique. Donc, encore une fois, c'est vrai que quand tu essaies d'élever ton esprit, étant donné que les gens, ces écoles servent à abrutir, hein. Attention, les écoles et les universités servent à créer des gens bien serviles et bien dociles et qui ne vont pas chercher à trop réfléchir, hein, parce que sinon, à un moment donné, ils vont se rendre compte qu'il y a des choses qui clochent. Donc, en fait, quand tu écoutes ces spécialistes-là, en fait, tu vois les choses différemment et ça a un sens. Par contre, au jour d'aujourd'hui, le quotidien, on a un ensemble, une masse d'informations, mais personne ne piche quoi que ce soit. Personne ne comprend ce qui est en train de se passer. Ben oui, parce que si tu veux comprendre que le coronavirus, t'as perdu. Parce que c'est pas une question de coronavirus. D'accord ? Le coronavirus n'est qu'une arnaque parmi tant d'autres, dans tous les cas. Donc, la guerre froide et la guerre, d'une manière générale, a toujours continué, en fait, finalement. Je pourrais vous l'expliquer depuis l'abolition, ou du moins la destruction de l'URSS, qui a été partitionnée ou compartitionnée à travers des coups d'État et des révolutions qui ont été financées par les services de renseignement américains, anglo-saxons et autres. Comme ce qui s'est passé, soi-disant, avec le printemps arabe, franchement, l'histoire occulte, elle est vraiment simple. Elle est vraiment simple. Alors, donc, pour abréger et pour essayer d'accélérer, parce que il est 23h05, et je vous, Inch'Allah, promets que le jeudi, Inch'Allah, le sujet du coronavirus, il sera un peu plus fourni en information, en détail, mais encore une fois, en soi, ce n'est pas vraiment nécessaire. Il y aura quelques conseils aussi à suivre, mais le but, c'est vraiment de voir tout ce qui tourne autour. Donc, le corona, ces guerres-là, elles servaient en fait à faire tomber un des concepts. Le nouvel ordre mondial, c'est une idée donc de gouverner le monde à travers des institutions et le nouvel ordre mondial sera dirigé en fait par l'Antéchrist. Leur objectif, c'est l'Antéchrist. Ils attendent l'Antéchrist. Donc tout ce qu'ils ont préparé, tous ceux qui travaillent dans ce projet-là, parmi les hommes les plus puissants, les oligarques, les familles royales, les 13 lignées sataniques et autres, ils ont tous travaillé depuis des siècles à l'avènement de ce projet-là, qui va en résulter de la venue de l'Antéchrist. Aussi avec la Palestine, Israël, et ainsi de suite. Donc, Amine, mais malheureusement, ma sœur, Amine, on est en plein dedans. Donc, qu'Allah nous en préserve, naam, mais il faut faire les causes. Donc, en fait, ce concept-là, il est divisé en deux parties. Le nouvel ordre mondial, le monde entier est d'accord. Attention, les pays arabes, c'est pareil. Les pays arabes, je préfère même pas parler avec eux parce que c'est misérable. Ils comptent même pas dans la partie, en fait. C'est ça le pire. C'est abominable. C'est abominable comment Allah les a rabaissés, les humilie, et malgré tout, les gens les suivent et leur obéissent. Mais bon, c'est un autre sujet où on y reviendra aussi, bihaoulillah, il y a tellement de choses à voir que c'est... Ben en fait, finalement, on se rend compte que dans la science d'Allah et ce qu'il a créé, ça dépasse l'entendement. Et à un moment donné, quand on voit que ça nous dépasse, enfin, c'est trop, on se remet à Allah. Parce que finalement, la solution et la réussite et la protection, elle sera qu'à travers lui. Donc quand on se rend compte de tout ça, on se dit, subhanallah, c'est vraiment, je comprends mieux certaines paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou certaines paroles d'Allah concernant notre époque. Donc en fait, ce nouvel ordre mondial, je vous donnerai un docteur qui s'appelle Pierre Hila, docteur en sciences politiques, qui a décrypté un peu, qui a fait un peu le cheminement, l'historique de et ses gouvernements. Donc, les événements qui se sont passés jusqu'à maintenant, on va dire les grands événements, n'ont servi qu'à changer le système dans lequel les gens vivaient. Le premier système qui a changé, plus ou moins, c'était la France. D'un système royaliste, il est passé à un système laïque, à travers une révolution soi-disant de gens pauvres et de gens qui en avaient marre de soi-disant de la richesse des prêtres, des cardinaux, de l'Église, ainsi de suite, et que finalement, nanana. Donc tout ça, c'était une arnaque, en fait, pour pousser les gens, en fait, à être d'accord et de dégager l'Église, et que du coup, dorénavant, ce n'est plus l'Église qui va diriger l'État. C'est ce concept de laïcité qui a été fait donc en 1789. Et quand on revoit cet aspect-là, cette phase-là, attention, tout ce qui a été raconté dans le livre d'histoire, c'est de la propagande, de la manipulation, et tout est faux. Tout est faux. Donc, ce système-là, en fait, a poussé à ce que les gens choisissent ce système-là. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ben maintenant, cette société va faire voir le jour à des gens laïcs, dénués de toute croyance, de toute foi, de toute pudeur, de toute mœur. Et c'est ces gens-là qui vont, en fait, tout doucement, préparer le chaos. C'est ces gens-là qui vont nous dire comment on doit être éduqué. C'est ces gens-là qui vont nous dire de quelle matière ou de quelle manière on va être instruit ou qu'on doit être instruit. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc finalement, en fait, ce n'est que des enchaînements d'événements qui ont amené à. Donc ensuite, Pierre Hillard, il a décortiqué depuis la Première Guerre mondiale les différentes organisations mondiales qui ont vu le jour, et qui ont été là, en fait, finalement, pour préparer le nouvel ordre mondial. Donc, ces arcanes qui s'appellent l'OMS, l'OMC, l'ONU, l'OTAN, le FMI, et ainsi de suite, c'est le nouvel ordre mondial, en fait. Le nouvel ordre mondial est déjà là. Le gouvernement mondial est déjà présent depuis longtemps. Sauf que, pour pouvoir dépasser les États, donc c'est des super-États, en fait. Pour dépasser ces États, ils devaient, ces gens qui sont au-dessus des gouvernements, au-dessus des peuples, ils devaient fabriquer des guerres et des situations pour manipuler l'opinion publique, pour les amener à faire des choix que eux auront choisis et qu'ils vont nous transmettre à travers leurs médias. Parce que c'est eux qui les dominent. Du coup, on peut manipuler les esprits. On peut pousser n'importe quel système ou n'importe quel État ou n'importe quelle population à faire des choix. Parce que ce sont des choix que eux-mêmes auront choisis. Donc on va te donner le choix entre trois personnes, mais ces trois personnes-là, c'est eux qui les ont mis. Et parmi ces trois personnes-là, chacun va défendre une position, mais à la finale, ils n'ont pas le choix, ce sont des employés. Ils seront obligés de suivre le plan et le plan d'action qu'eux auront déterminé. Donc tous ces gouvernements-là, toutes ces organisations-là, avec le temps, se sont renforcées, sont devenues plus fortes et bien sûr se sont enrichies et devenues imposants. Donc, à un moment donné, ces gouvernements-là, comme j'ai dit tout à l'heure, ils étaient confrontés à une autre puissance qui est... Bon, je ne vais pas revenir sur ça parce que là, c'est... Voilà. Cet aspect-là, ce gouvernement-là, il a été géré... Tout ce que je vous dis jusqu'à maintenant, ça a été fait... Ça va, en fait, je vous ai pas posé la question. Ça va, c'est clair pour vous, vous avez arrivé à comprendre. Je vais arriver, au problème du coronavirus, mais c'est pour vous que vous compreniez, en fait, comment ils manipulent les gens. Et depuis quand? Ils se sont des maîtres en la matière. Ils excellent tellement dans ce domaine que tout le monde n'y voit que du feu, en fait. Oui, c'est incroyable, hein. Mais wallah, ce que je vous dis, c'est rien comparé à ce que si à un moment donné vous lisez, mais vous n'allez pas tomber de haut, votre chute, elle va pas s'arrêter. Parce que vous allez voir que finalement, vous êtes assis et toute votre vie a été construite que sur du mensonge. Et le pire, c'est qu'en fait, on pousse nos enfants, nos proches, nos entourages, en fait, bah, pareil, à vivre dans le mensonge. La terre est ronde. La terre est comment on s'appelle, je sais plus quoi d'autre encore, les cartes du monde. On pense que c'est les bonnes, qu'il y a des satellites, que les communications passent par les... C'est que du mensonge et du mensonge et du mensonge. L'école ne sert qu'à préparer des esprits vides de toute croyance, de toute conviction, meurent, qui vont justement causer ce chaos, qui vont travailler sans réfléchir. La preuve, les gens, est-ce qu'ils réfléchissent? Est-ce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils sont en train de produire? Est-ce que c'est bien ou pas bien et dans l'intérêt de qui? Non. Va faire avocat, ok. Va faire médecin, chercheur et scientifique, ou je sais pas quoi. Mais dans l'intérêt de qui et de quoi? Est-ce que déjà cette chose-là est bénéfique pour l'être humain? D'un point de vue santé, on va dire. Non. Tout ce qu'on a au jour d'aujourd'hui dans notre monde est néfaste. Et c'est pour ça qu'on a de plus en plus de cas et de gens malades par rapport au mal occulte. C'est-à-dire que les chayatines ne sont pas forts. C'est qu'il y a eu un ensemble de choses qui tournent autour et à travers laquelle on se nourrit, qui nous a très considérablement affaiblis psychiquement, physiquement, mentalement, d'un point de vue aussi alimentaire, qui fait qu'en fait on est très vulnérable. Bref. Je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là, même s'il en fait partie. En fait, c'est là où on comprend que finalement, toi, quand vous avez dit c'est chaud et ainsi de suite, hein, en fait, c'est là où on comprend que finalement, la fitna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que tous les prophètes ont cité alayhim salat wa salam en disant que c'est la pire des fitnas, wallah, je le comprends mieux. Moi, par rapport à. C'est-à-dire, plus j'avance et plus je me dis, mais c'est un truc de fou. Ben là, on comprend mieux, en fait, finalement. Et alhamdoulilah, on comprend. Et on Allah, sadaqa Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit que celui qui s'attachera à ces deux choses-là ne s'égarera pas. Et alhamdoulilah, grâce à Allah, on a essayé de s'attacher. Et c'est vrai que, on ne s'est pas égaré et que, Allah nous a dévoilé certaines choses. Bien sûr que ce qu'il en est réellement et de la profondeur et de l'impact, je ne prétends pas connaître et avoir l'exactitude, mais subhanallah, ça correspond, il y a beaucoup de choses. Donc en fait, c'est simple, la croyance, apprendre et pratiquer sa religion, et vous verrez ce qu'Allah, comment il va nous guider, inshallah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Donc, je disais du coup, en fait, toutes ces manipulations ont servi à... Donc le nouvel ordre mondial, au jour d'aujourd'hui, il est composé de deux entités hyperpuissantes, qui est la Russie, qui est depuis longtemps, en fait, la Russie, avant de devenir russe, la Russie, c'était le tsar. Avant que ça soit le tsar de Russie, c'était l'État ou l'Empire, le califat ottoman. Donc en fait, vous voyez que tout doucement, il y a eu plein de mouvements et ainsi de suite parmi les élites pour détruire très subtilement les sociétés, les gouvernements pour pouvoir les changer. D'accord, pour pouvoir les changer, pour pouvoir les amener à. Donc ensuite, quand on voit le tsar, quand il a été destitué à travers un coup d'État et ainsi de suite, là la Russie, l'URSS, l'Union, la République, soviétique et je sais pas quoi, elle s'est constituée donc avec tous ces États-là. Mais du coup, il y avait une puissance maintenant qui confrontait l'Empire, le monde anglo-saxon. Le monde anglo-saxon, je parle des Anglais et des Américains. Ce qu'il faut savoir, c'est que le monde anglo-saxon, je vais après à un moment donné vous faire une hiérarchie du monde au jour d'aujourd'hui et même depuis un certain temps par qui il est gouverné, en forme pyramidale. D'accord? Et vous allez peut-être un peu mieux comprendre. L'Amérique est le bras armé de l'Angleterre. L'Angleterre est le pilier du monde occidental. D'accord? L'Angleterre, c'est un pays à part. Il domine tout et tout le monde. les gouvernements, l'Amérique en partie, même si des fois on voit que soi-disant l'autre ministre il a pas suivi. Eux, ils s'en foutent de tout ça. Pour eux, c'est un pion qu'ils ont bougé et qu'à un moment donné, il va se faire bouffer. Ils vont remettre un autre, ils vont placer leur truc. Mais c'est comme ça qu'ils voient le monde. C'est comme ça qu'ils voient notre monde. Donc, en fait, on est bien manipulé. C'est grave. Elle n'est pas finie, cette manipulation. En fait, cette manipulation continuera. Tant qu'on ne se conformera pas, en fait. D'accord ? Parce que c'est Allah qui nous fait sortir de ces ténèbres vers la lumière, vers sa lumière. Et sa lumière, elle est autant d'un point de vue religieux et d'un point de vue d'adorer Allah lui seul, mais vraiment de l'adorer parce que tu l'aimes et parce que tu veux te rapprocher de lui. Non pas parce que tu vois que tu es en détresse, ainsi de suite, mais en même temps, tu loues Allah et ainsi de suite de t'avoir fait comprendre que finalement, tout est relié et rattaché à lui. Et alhamdoulilah, ça te permettra de mieux vivre ta vie. Tu vas être moins stressé. Tu vas plus avoir le même rythme que les gens. Tu vas gérer ton temps et ta vie. Bon, khair, inshallah. Donc, en fait, ces gouvernements-là, l'Amérique était le bras armé de l'Angleterre et qu'il est toujours. Par contre, ils avaient un opposant qui était la Russie, ou l'URSS, à l'époque. L'URSS a été défragmentée, justement, par plein de coups révolutionnaires, que ce soit de Donald Rumsfeld, de George Soros, de Zbirinsky, je ne sais pas comment, il se prononce différemment, et la famille Bush. La famille Bush, subhanallah, c'est une famille. Bon, pour certains, ils disent qu'ils sont complètement et clairement croisés avec Shaitan, avec Iblis. C'est-à-dire que eux, c'est vraiment des enfants de Satan. C'est des enfants de Satan sur Terre. Subhanallah. Comme la famille d'Angleterre, d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'il y a une forte similitude et une forte ressemblance entre la famille d'Angleterre, donc la reine Elisabeth et ainsi de suite, et la famille Bush. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ils sont en fait ces familles-là pour contrôler, ils doivent garder en fait le sang entre eux. Donc malheureusement, il y a beaucoup d'inceste entre eux. Ah oui, ils doivent en fait garder cette puissance et cette domination. Et souvent, ils le montrent dans ce que les gens pensent être du divertissement, comme la télé, le cinéma et ainsi de suite, alors que ce sont des outils de propagande. Donc l'URSS. Une fois qu'elle a été défragmentée, et ben à ce moment-là, bon, il y a eu bien sûr Hitler et ainsi de suite. Et Hitler, ce qu'il faut savoir, c'était que c'est un fils de paysan. Il a été recruté lorsqu'il était à l'armée par les Rothschild. Les Rothschild, entre autres, l'ont propulsé. Où est-ce qu'ils l'ont propulsé? Et en fait, ils l'ont laissé. Pourquoi? Parce que c'était une tentative de nouvel ordre mondial. Lui, il n'a fait qu'une tentative de vouloir dominer le monde pour le compte des Rothschild. Les Rothschild, attention, eux, ils se le cachent même pas. Eux, ils le disent qu'ils sont complètement rattachés à Lucifer. Et Lucifer, c'est Shaitan. D'ailleurs, ils ont un fonds d'investissement qui s'appelle Lucifer Trust. Donc, ils ne se cachent même pas. De toute façon, il n'y a que du symbolisme satanique dans leur couronne, dans leurs vêtements, dans leur tenue, et ainsi de suite. D'accord ? Donc, eux, ce qu'ils ont fait à travers tous ces gouvernements, c'était de manipuler les opinions pour les amener à ce qu'ils demandent, en fait, à chaque fois, des nouveaux projets de loi, des nouvelles directives, des nouvelles organisations qui vont diriger le monde, mais sous différentes appellations. Bon, je les ai pas en tête. Si vous voulez, j'essaierai de... Lorsqu'on traitera de ce sujet-là, des différentes organisations dans le monde depuis qu'elles ont été créées et comment elles ont été évolué dans le temps jusqu'à aujourd'hui pour donner naissance au nouvel ordre mondial, Là, je vous parle des organisations qui sont connues. Et après, vous avez des organisations qui sont moins connues, comme le CFR, la Commission Trilatérale, le Bilderberg, le Ciel, le Siècle, l'Automobile. Tout ça, ce sont des organisations secrètes où chaque organisation, en fait, dirige un pôle. Il y en a qui vont diriger la finance, il y en a qui vont diriger l'économie, la science, il y en a qui vont diriger tout ce qui est médias, il y en a qui vont diriger tout ce qui est, énergie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et tout ça, ces cercles-là, ils se rencontrent à peu près une fois, voire toutes les deux semaines, dans des endroits, et ils élaborent des plans. Et après, chacun va dans le poste ou dans leur entreprise ou dans leur multinationale, ils vont donner des directives à leurs sous-dirigeants et ainsi de suite qui eux aussi vont œuvrer dans ce sens-là. Vous comprenez, en fait, c'est comme ça qu'en fait ils arrivent à manipuler les masses tout doucement. Tout doucement, tout doucement. Donc, ensuite, on va arriver au nouvel ordre mondial il y a quelques années, où il y a deux concepts. Le concept nouvel ordre mondial de la Russie, d'accord, Poutine, c'est clair, subhanallah, le projet du nouvel ordre mondial, il ne se cache même pas, ni Poutine, ni le président chinois, ni le monde anglo-saxon. Quand je parle du monde anglo-saxon, je prends tout l'Europe, l'Angleterre, les États-Unis avec, c'est-à-dire que l'Amérique du Nord. Le Canada, c'est pareil. Samir, Samir, c'est pas bien logé. Hein. Donc tout ça, ces deux blocs, en fait, ils se font face. Oui, il faut qu'on revienne parce que là, ça va être... Non, mais je crois que c'est mort, là, pour l'instant, c'est mort. Faut creuser sous l'Atlantique. Frère, Inch'Allah, en tous les cas, je vous disais, donc c'est deux... ces deux puissances mondiales, qui les États-Unis d'un côté et la Russie de l'autre, chacun a des alliés. Chacun a un projet. Poutine est pour le nouvel ordre mondial, sauf qu'il veut un nouvel ordre mondial multipolaire, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs gouvernements qui dirigent, c'est-à-dire que le monde va être découpé avec plusieurs gouvernements et chacun aura une part qui va diriger. D'accord ? Les États-Unis et l'Angleterre à sa tête, non, eux, ils veulent un gouvernement qui soit mondial et qui est dirigé par eux, un point, c'est tout. Donc, en fait, c'est ce qui est en train de se passer. Et donc, en fait, ce qui est en train de se passer, ils sont en train d'abattre les cartes, chacun de leur côté. C'est ce qu'on a vu depuis soi-disant la Révolution verte, avec la crise qui a commencé en Tunisie, qui s'est répandue jusqu'en Orient, et avec toutes les alliances qui ont demandé, la Turquie allait avec les États-Unis, après il y a eu des coups de crasse, ils ont failli abattre Erdogan à un moment donné, un coup d'État, après à un moment donné ils ont failli truc, donc en fait ça c'était les services américains, du coup il a eu des pourparlers en cachette avec Poutine, parce que Poutine en fait l'avait prévenu de ce coup d'État, mais il l'avait fait exprès Poutine pour qu'il se le mette dans la poche, donc à un moment donné Erdogan il a fait revirement, et de là il y a eu des actes en Turquie. C'est, en fait, il faut vraiment comprendre tout ce qui est en train de se passer, non pas comme les médias vous le disent. Je vous le dis, hein, le vrai sevrage, il se fera lorsque vous allez arrêter de voir de remplir votre esprit avec ces poubelles-là. Donc, en fait, ces concepts-là, ils sont toujours en guerre. Donc, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vu qu'on a maintenant des nouveaux outils grâce à la science, enfin, je ne vais même pas dire grâce à la science, parce que c'est un problème, c'est à cause de cette science, il y a eu d'autres outils démoniaques qui ont été développés, entre autres tout ce qui est bactériologique. Donc ce n'est pas la première fois qu'on voit un virus qui sort comme ça de nulle part, et c'est eux qui donnent le ton quant à la dangerosité de ce virus-là. On a plein de virus, que ce soit le Ebola, dernièrement, la grippe H1N1, la grippe porcine, ainsi de suite. Et à un moment donné, il faut réfléchir, quoi. Subhanallah, jusqu'à quand on va se faire manipuler par des gens déglingués dans leur cerveau? Donc, ce qui s'est passé, en fait, entre ces deux gouvernements-là, entre ces deux entités-là, c'est que que là, ils arrivent à la fin. À la fin, ça veut dire de la conception du nouvel ordre mondial. Donc forcément, ça devient de plus en plus, le match devient de plus en plus serré. D'accord. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la Chine, la Russie, l'Inde, avec d'autres pays, mais c'est eux les trois principaux pays, ils ont créé une banque mondiale qui va faire, qui va, on va dire, confronter ou s'opposer ou être légale du FMI. Le FMI, c'est le Fonds monétaire international, c'est une arcane parmi les arcanes du nouvel ordre mondial qui gère la partie économie, d'accord, mondiale. Eux, étant donné qu'ils ne sont pas dedans, les Russes, Chinois, Indiens et autres, ils ont dit non, nous on va créer notre banque d'investissement. Donc ils ont créé leur banque, qui s'appelle le BRICS. Donc en fait, il y a eu plein d'actions comme ça qui a fait que, Inch'Allah, j'ai dit, après peut-être que ça sera enregistré, tu pourras suivre. En fait, après, il y a eu plein d'actions qui ont fait que, ils commençaient à s'affaiblir, quoi, tout simplement. Donc, la Russie, dernièrement, ils ont commencé à réorienter leur stratégie. Du coup, on voit très bien qu'est-ce qui s'est passé en Ukraine, avec dans le Donbass plus particulièrement, avec en Palestine aussi, avec Israël, du fait qu'il se rapproche du gouvernement israélien, qu'il ait répondu différemment dans certaines situations, comme là dernièrement avec la Syrie aussi. C'est lui qui a protégé la Syrie, ou du moins qui a fait en sorte que la Syrie reprenne un peu de l'autorité, et parce qu'il canalisait la Turquie, maintenant il a lâché la Turquie est en train de bombarder la Syrie. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, ce sont des stratégies, et c'est en fonction des intérêts. Et du coup, on a aussi la Russie qui s'est un peu mis à l'écart par rapport à la Chine. Et la Chine, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Quand je vous dis dernièrement, c'est pas suite au coronavirus, hein. Ça fait déjà un bon moment que la Chine est devenue pas n'importe quel pays, incontournable d'un point de vue production de tout énergie, produits dérivés, que ça soit pharmaceutique. Tout est fabriqué en Chine. Tout le monde se fournit en Chine. Tout le monde fabrique en Chine. Donc, la Chine a pris une place très importante. On le voit même en France, dans certains endroits, mais les Chinois, ils sont partout. Ils achètent tout. D'accord ? Et ça, c'est une stratégie aussi, hein. Ça, c'est une stratégie... c'est autre chose, parce que c'est lié à l'économie et est lié à l'euro... et au yuan, je sais pas quoi, leur monnaie. Donc, en fait, la Chine commençait à faire beaucoup, elle a fait beaucoup. D'ailleurs, on parlait que d'elle. Dans les médias, institut d'un point de vue économique, ils ne parlaient que de la Chine. Donc, du coup, la Chine a pris une place, mais presque indispensable. Et le problème, c'est qu'encore une fois, on est dans une guerre. D'accord, donc là, les États-Unis ou les Anglo-Saxons, ils savent très bien que ça peut leur glisser entre les mains. Donc, leur truc, ça a été quoi? C'est d'affaiblir la Chine et de la détruire. Et ils se sont mis en accord avec les Russes pour pas qu'ils interviennent. Mais ça, c'est des choses que vous n'allez pas voir et que vous n'allez pas entendre. Vous, on va vous donner un discours tout bête pour que ça soit clair, enfin, pour que ça soit avalé sans que ça fasse des écorchures. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? La Chine, elle a commencé à recevoir et à avoir des attaques de toutes parts. La première, entre autres, des attaques, c'est que ils ont fait en sorte que tous les contrats qu'ils ont pu décrocher, ainsi de suite, en Afrique, ils soient plus ou moins, voilà, qu'il y ait plein d'obstacles. Ça, c'est des choses que vous allez peut-être pas voir maintenant et qui vont pas en parler, mais c'est un fait. Ensuite, on a la crise pas la crise, mais disons l'opinion publique, hein, parce que je ne vais pas citer, même si je sais qui est derrière tout ça, ils ont mis en avant, soi-disant, que les musulmans ouïghours sont torturés par les Chinois et que regardez ce que vivent les citoyens ouïghours, et ainsi de suite. Donc ça, c'est une propagande. C'est quelque chose qu'ils ont utilisé. C'est un fait. Les Chinois, ils sont très durs, ils sont méchants. Pas que, il y a les Indiens aussi. On sait qu'il y a réellement des conflits entre les musulmans et les non-musulmans là-bas. Mais c'est pas d'aujourd'hui, quoi. C'est ça le problème. Et ce qui est malheureux, c'est que les musulmans, comment ils sont manipulés, mais c'est incroyable. C'est vraiment incroyable comment ils sont manipulés. Ils font le jeu du système. C'est-à-dire que maintenant que les États-Unis ont brandi la menace soi-disant des Chinois, bah, tous les musulmans, il y a eu des actions humanitaires, il y a eu des collectifs, il y a eu des interventions sur Internet, tout le monde réagit. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Là, on voit très bien en fait qui dicte et qui dirige les choses. On le voit par exemple, hein, je vais vous donner le même exemple, des États-Unis avec l'Afghanistan à l'époque du conflit entre la Russie, justement, on revenait tout à l'heure, le fait que l'URSS soit détruite, et l'URSS c'était de reprendre certains terrains. Et parmi certains terrains, il y avait certaines zones frontalières avec l'Afghanistan. Et c'est pour ça il y a combien de temps, les Russes étaient en conflit avec les Afghans pendant je sais pas combien d'années, ils ont morflé. Mais qui c'est qui a poussé les Afghans et la communauté musulmane islamique et même en Arabie Saoudite au point où ils avaient des endroits où ils les appelaient au jihad fisabilillah. Oui, il faut aller combattre auprès de nos frères Afghans parce que l'ennemi nanani nanana et les savants ils sont tous en train de faire des fatwas. Pourquoi? Parce que le gouvernement a reçu une note de l'autorité, de la haute autorité qui est les États-Unis, qui leur a dit non, il faut combattre là-bas. Pourquoi? Mais parce que c'est pour l'intérêt des Américains. C'est pas pour que les Afghans ou le peuple afghan retrouve leur terre et que, soi-disant, l'islam il est menacé. C'est pas vrai du tout. Comme ce qui s'est passé aussi en Irak, on ne fait que le travail de gens perfides, des gens très mauvais, c'est le cas de le dire. Et finalement, on voit très bien quelque part un peu l'état d'esprit ou l'esprit satanique. Donc, c'est ce qui s'est passé avec les Afghans. Et c'est ce qui s'est même passé en Yougoslavie ou en Tchétchénie, soi-disant. Parce que les musulmans de Tchétchénie, ils étaient torturés par le gouvernement russe. Et du coup, ils les ont soutenus. Et c'est pour ça qu'après, à un moment donné, ils disent que en fait, Ben Laden et d'autres, en fait, ce sont des agents de la CIA, ils ont été formés par le gouvernement et ainsi de suite. C'est pas vrai. Quelque part, la partie qui est vraie, c'est que oui, ils ont été formés. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, ils combattaient pour l'intérêt des États-Unis au départ, mais eux ne le savaient pas. Donc les États-Unis, ils ont financé et ainsi de suite, comme soi-disant le wahhabisme. Le wahhabisme, c'est les Américains qui ont financé en fait le combat et le conflit contre, qui ont financé la famille As-Saoud avec Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimallah pour combattre, les tribus de la péninsule arabique. Mais c'était pas vraiment ça le travail, l'objectif. L'objectif, c'était de faire en sorte que Médine et La Mecque ne soient plus entre les mains de l'Empire ottoman. Pourquoi? Mais en fait, l'objectif, c'était de détruire l'Empire ottoman. Parce que les musulmans, quand ils vont voir que l'Empire ottoman, ben, ils ne dirigent plus la Mecque et Médine, ils ont perdu leur légitimité de califat et donc d'obéissance. Et donc, du coup, plus personne ne va leur prêter. Et donc, c'est un bon moyen pour détruire cet État-là. Et d'en faire maintenant un État laïque et ainsi de suite. Donc, vous voyez, subhanallah, cette manière d'opérer, elle a toujours existé. Il faut juste s'arrêter, prendre les bons éléments, et finalement, on va comprendre qu'on est dans un grand fiasco, dans une histoire où tout ce qui nous tourne autour, c'est du mensonge. Donc, je reviens sur ça, et je ne m'attarde pas trop sur le coronavirus, comme je vous l'ai dit, je reviendrai sur jeudi. C'est pour vous expliquer, vous montrer ou démontrer plutôt qu'on est face à une manipulation et à une propagande. D'accord ? Cette maladie n'a pas plus tué que tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Que ce soit en termes de maladie, en termes d'intoxication alimentaire ou d'effet indésirable qui est dû à des opérations ou à la médecine de manière générale, ou des guerres. Donc il faut qu'ils arrêtent un peu. Mais par contre, là, en fait, c'est parce qu'on est dans une manipulation, tout simplement. Donc toutes ces guerres, comme le conflit qui s'est passé, et ce qu'ils sont en train de faire, en fait, avec, ou du moins ce que les Américains ont fait avec la Chine, c'est qu'ils sont en train de les affaiblir, tout simplement. Et c'est pour ça que, dans un premier temps, ils ont brandi le drapeau de « ils sont en train de torturer les Ouïghours ». Et donc, pourquoi ? C'est qu'ils veulent mettre à dos la Chine, ils veulent mettre l'opinion publique, contre la Chine. Et parmi l'opinion publique, on a les musulmans. Donc, on a déjà vu et on a déjà travaillé avec les musulmans. Parce que les musulmans, étant donné qu'ils sont tellement dupes, ils sont tellement naïfs, ils sont tellement bêtes, excusez-moi du terme, mais c'est malheureux de dire ça, franchement, ça fait pas plaisir. Mais c'est un fait. Quand on voit toute cette manipulation, il n'y a pas un moment où on a dit stop, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et finalement, oui, ce problème continue. La preuve, quand on entend Wallah et quand on entend l'intervention de certains prédicateurs, et tout, franchement, ils nous font descendre très très bas au niveau intellectuel. C'est humiliant. Quand on les écoute, franchement, c'est humiliant. Quand on les entend parler, mais jusqu'à quand, en fait, ils vont occuper les minbars, les mosquées, les instituts ou les chaînes sur Internet? C'est impressionnant. C'est catastrophique. Mais bon, on attend, entre guillemets, que ce qu'on mérite, et chacun, de toute façon, recevra la rétribution de ses actions. Quel est le but de vouloir nous confiner chez nous? On y reviendra, Fatiha, jeudi, mais essayez de comprendre l'objectif, parce que moi, ce que j'essaie vraiment de faire avec vous, que ce soit dans les cours religieux, comme je l'ai dit, ou autre, ce n'est pas de vous mâcher le travail, de vous donner la finalité des choses. Vous avez un esprit, vous avez un cerveau, Alhamdoulilah, Allah vous a créé avec les mêmes, on a tous les mêmes capacités. Maintenant, c'est juste qu'il y a des réglages à faire. Et en fait, après, ça va être de comprendre, en fait, qu'est-ce qu'ils veulent faire derrière tout ça. Et c'est ce que j'ai dit, je vous ai dit que ce n'est qu'une manipulation, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Tout simplement. Et on va y revenir. Mais là, c'est pour ça que je vous ai donné un peu le dessin du monde depuis quelques temps, mais très brièvement, et surtout en mettant en évidence les manipulations à travers tel et tel événement, pour arriver à un objectif. Et c'est exactement la même chose, sauf que c'est avec un outil différent. Tout simplement. Donc, entre autres, oui. Donc, en fait, la Chine, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce que les États-Unis ou l'opinion publique a fait? Ils ont diabolisé les Chinois par rapport à leur culture, par rapport à leur nourriture. Okay. Et ensuite, ils ont commencé donc à dire qu'ils torturaient. Vous n'avez pas vu comment ils montraient les Chinois qui sont dans une dictature, qu'ils n'ont pas le droit de parler, qu'ils n'ont pas le droit à plusieurs bébés, qu'ils n'ont pas le droit de ci, qu'ils n'ont pas le droit. En fait, ils ont diabolisé les Chinois. Pourquoi? Parce qu'ils doivent les affaiblir, tout simplement. Et pour les affaiblir, il faut qu'on te martèle de tout le temps de ces mêmes informations. Tout simplement. Et qu'est-ce qui va se passer? Indirectement, tu vas dire, ah, t'as vu les Chinois? Non, moi, j'achète plus chez eux. Moi, ça m'intéresse plus. Et qu'est-ce qui va se passer? Toi, tu vas faire comme ça. Tu vas en parler à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, tu vas faire la même chose. Il va en parler à quelqu'un d'autre. Et ainsi de suite. Et du coup, l'économie va tomber. Et donc, la Chine retombera retombera au pont où elle était avant. Donc, dans un premier temps, c'était les musulmans, les Ouïghours. Les musulmans sont tombés dans le panneau, comme d'habitude, comme je l'ai dit. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu Huawei. Il y a eu le cas de Huawei. Huawei, ça a fait un boucan, oui, comme quoi Huawei, en fait, il se développait à l'étranger, aux États-Unis, et ainsi de suite, pour pouvoir espionner pour le compte du gouvernement chinois certaines personnalités politiques, certains domaines militaires, certains domaines du renseignement, certains trucs. Donc, en fait, c'est une machine de propagande. à quoi on a affaire au jour d'aujourd'hui. Et du coup, on a eu plein de pourparlers. Et ils nous disent comme quoi, soi-disant, les Chinois nous espionnent ou espionnent. Mais franchement, ils nous prennent vraiment pour des cons. Excusez-moi du terme. Oui, non, en fait, ce que je vous explique, en fait, là, le but, c'est de comprendre. C'est une arnaque, le coronavirus. Ils sont juste en train de vouloir affaiblir la Chine. Quand je dis c'est une arnaque, attention, cette maladie existe, elle a des symptômes, elle a des effets, d'accord, mais selon certains types de gens. Mais finalement, elle n'est pas plus nocive que n'importe quel virus qu'on a, qui existe encore, et qui n'a pas spécialement de solution, de vaccin, enfin, tout ça c'est pris en place, vaccin, médicament. Donc, tout ça, ce n'est qu'une stratégie pour détruire la Chine. Pour bien le comprendre, pour la remettre à sa place. Et le fait que la Chine soit isolée et abandonnée par la Russie et ainsi de suite, en fait, il faut quelque part se mettre au même niveau que eux pour comprendre en fait qu'est-ce qu'ils sont, ces effets-là. En fait, il faut vraiment voir en dessous le bas peuple comme, excusez-moi du terme, comme de la poussière. Tu vois, un coup de balai. Donc eux, ils voient les choses comme ça. Donc du coup, le Huawei plutôt, a été diabolisé et ainsi de suite, comme quoi, soi-disant, mais vous vous sentez, vous pensez que le téléphone que j'ai, que le téléphone que vous avez, et pire, la marque, la pire, c'est Apple, mais vous, ils ont votre vie. Ils connaissent tout. Ces outils-là n'ont été créés, n'ont été développés que pour vous manipuler, pour nous manipuler, pour nous contrôler. C'est tout. Ça a été ça le l'objectif. Et ça l'est toujours d'ailleurs. Ils en font même des films. Mais c'est un truc de malade. Au point où nous, on prend tout ça comme du divertissement, comme de la fiction, comme des films futuristes, et ainsi de suite. Alors qu'on se pose même pas la question, on s'arrête pas à se poser la question, à se demander, mais ma relation, mon utilisation, elle est comment? Donc en fait, ils sont en train, les Américains et tous ceux qui les suivent, en train de pointer le doigt à la Chine, parce qu'ils doivent les remettre à leur place. Et on le voit très bien, donc avec le cas de Huawei. Ils ont voulu le détruire parce que, voilà, mais ne vous inquiétez pas, les Chinois, ils sont en train de riposter. Ils ont trouvé déjà des solutions et ainsi de suite. Donc, en fait, Huawei, elle a été diabolisée, d'accord, parce que, soi-disant, ils travaillaient pour le gouvernement chinois. Ils espionnaient des personnalités et ainsi de suite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, on a déjà, d'une, la culture chinoise qui a été démontée, qui a été diabolisée. Deuxièmement, on a les Ouïghours qui ont réussi, ils ont mis beaucoup ça en avant. Troisièmement, on a Huawei. D'accord. Et quatrièmement, on a le coronavirus. Le coronavirus, c'est un virus qui a été créé en laboratoire. D'accord. Encore une fois, la provenance, il y a deux avis, mais l'avis le plus fort, d'après les spécialistes, c'est que c'est un virus qui a été créé par le département militaire de la défense, quoi, si vous voulez, américain, et qui ont développé, et qui ont envoyé des agents, et qui ont déposé tout ça. Oui. Donc cet effet, c'était quoi? Cet effet, maintenant, le coronavirus, il va avoir plusieurs impacts et plusieurs effets. En fait, ça, ce qu'il faut savoir, vous allez me dire, mais attends, comment ils se sont pas fait arrêter, ainsi de suite. Non, mais là, il faut vraiment qu'on s'élève. Là, on a affaire à des gens qui sont au-dessus des gouvernements, qui sont au-dessus des présidents. Alors, c'est des gens, ils ont carte blanche. Et il faut pas oublier qu'ils sont tous, ils s'assient tous ensemble pour déterminer ces stratégies. D'accord? Que ce soit les Anglais, avec les Américains, avec les Canadiens, avec les Allemands, avec les Français, avec les Espagnols, avec les Italiens, avec les Hollandais, avec les Belges, ainsi de suite. Ils sont tous, ils s'assoient, ils mangent tous dans la même assiette. Je vous ai dit tout à l'heure, l'Empire anglo-saxon. Donc en fait, le coronavirus, comme tout ce que je vous ai cité juste avant, n'est qu'un moyen, avant tout, ou entre autres, d'affaiblir la Chine par rapport à la place qu'elle occupe aujourd'hui. D'accord ? Derrière ça, ils vont pouvoir profiter de l'effet du coronavirus. Et c'est quoi ? L'effondrement économique. On était bien dedans, depuis 2008, avec la crise de septembre, mais ça va même commencer même avant. Bon, ça, c'est peut-être un peu technique, mais je ne vais pas trop m'attarder, enfin, je ne vais pas trop rentrer dans la partie économique, parce que ça demande comme des notions et des compétences. Je peux vous donner pour celui qui est intéressant. Oui, effectivement, mais la loi martiale, elle va venir en fait tardivement. La loi martiale, elle interviendra à un moment où il n'y aura pas de contrôle de la population. Mais on y reviendra, Inch'Allah. On y reviendra, ce crâne-là de tout ça. Et en fait, même si on y reviendra, on ne sait pas en combien de temps. C'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas une situation qui est figée. C'est pour ça qu'on ne pourra pas tout affirmer et prétendre avoir fait le tour. Parce que ça continue. D'accord ? Il y a des choses qui vont continuer, en fait, à évoluer. Donc, en fait, le coronavirus n'est qu'une arnaque pour faire peur aux gens. Ce virus-là n'est pas plus mortel que des virus qui sont encore existants au jour d'aujourd'hui, comme la grippe, comme la fièvre. Je parle de certains degrés de la capacité. Et quand vous écoutez certains médecins, franchement, c'est une maladie qui est bénigne, en fait. Et avec tout ce que les gens qui ont un système immunitaire très faible, et qui n'ont pas une bonne hygiène, et ainsi de suite. Donc ça, c'est une arnaque pour manipuler les esprits, pour pouvoir les pousser à faire, à se comporter comme ils voudraient, finalement. Parce que ça va impacter, c'est ce qui est en train d'être le cas, un crâne boursier, c'est déjà le cas. D'accord ? Ça va amener aussi à une crise alimentaire, ça va amener à une crise sanitaire, et ça va ramener donc finalement à pouvoir créer des lois liberticides et d'imposer une dictature gentiment. Parce que, comme ils disent, il n'y a pas de meilleur moyen pour manipuler un peuple que de le faire peur, de le manipuler à travers ses peurs. Et vu que c'est ce qu'il en est, et qu'on a des gens corrompus et des gens lâches je ne vais pas parler du gouvernement et de toutes ces arcanes. Voilà. Ils sont tous mouillés, ils ne le savent pas. Donc tout le monde travaille dans ce sens-là, de manipuler les esprits, de parler avec des pincettes, de dire des mots, des demi-mots. Pourquoi en fait ? Pour laisser ton imagination et tes cerveaux aller loin, très très très loin, dans la dangerosité. Atali, c'est pas un shaytan. Enfin, c'est pas que c'est pas un shaytan, bien sûr, c'est un shaytan en soi. Mais Afri, très évident, ça veut réellement qu'il est. Atali. Oui. Donc, le coronavirus, comme je vous ai dit, en soi, ce n'est pas une maladie mortelle, comme ils le prétendent. Les cas que ça a touché, ce sont des cas qui ont déjà des déficiences d'un point de vue système immunitaire. Et que de toutes les manières, cette maladie, elle est traitable. Comme n'importe quelle maladie. D'accord ? Il y a des solutions très très simples. Donc celui qui vient, voilà, ça ne va pas vous arriver parce qu'en fin de compte, comme je l'ai dit, ça va toucher certaines catégories de gens. Ok ? Les vieux, les jeunes. En fait, quand ils disent les enfants, les jeunes, ça c'est à cause de eux. Parce qu'à la base, le système immunitaire des enfants, c'est un des systèmes immunitaires les plus forts. Comparé aux adultes. Pourquoi ? Pas normalement. Parce qu'il vient d'être créé, tout simplement. Il n'a pas encore avalé toutes sortes de cochonneries, de bêtises et de mauvais aliments. Contrairement à nous, en tant qu'adultes. Ajouter à cela une mauvaise hygiène, forcément, et dans un environnement aussi malsain, avec ses couffards, par contre, comment ces jeunes ou ces enfants, ils sont ils sont devenus faibles, ou leur système est devenu faible et pas suffisant pour défendre contre cette maladie, et ben parce qu'en fait, ils ont mangé tout un tas de vaccins et tout un tas de médicaments qui a affaibli et qui interfère et qui bloque en fait le système immunitaire. Et tout ça, c'est aussi lié au shared brain. Donc, je ne vais pas plus m'attarder sur ça. Le coronavirus, on y reviendra un peu plus en détail. Je vais vous donner des informations sourcées, tout ça. Mais encore une fois, comme je dis, le coronavirus en soi, c'est une arnaque. En fait, c'est pour détourner les gens de la réalité de ce qu'ils vont être en train de préparer. C'est des lois liberticides, c'est une dictature, c'est la fin de la monnaie tangible, c'est le début de la monnaie virtuelle, c'est le début, et ainsi de suite, en fait. C'est de pouvoir manipuler, gérer les gens, de pouvoir leur interdire de sortir du territoire ou de quitter ou de partir ou de revenir. Le but, en fait, là, on arrive en fait à un endroit, à un moment où l'étau est en train de se resserrer. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, en fait, ça, c'est un tournant. Pourquoi je ne vais pas trop m'étaler dessus? On va laisser les choses à venir et après, on essaiera tout au long de ces semaines qui vont passer, de parler de d'autres choses en parallèle pour que vous compreniez mieux en fait ce qui est en train de se passer. Parce que moi, ce groupe que j'ai fait, c'est pas que vous parlez du coronavirus, parce que sinon j'aurais fait une intervention et c'est fini. C'est de vous expliquer d'autres choses pour que ça puisse vous motiver et que ça crée une certaine motivation, une certaine volonté à essayer de commencer à vouloir comprendre les choses et se donner du temps et arrêter avec toutes ces choses qui nous abrutissent, que ce soit le téléphone, que ce soit la télé, que ce soit les séries, que ce soit tout ça. C'est à cause de ça, en fait. C'est ça qui vous obstrue, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, à comprendre. Je ne suis pas plus intelligent que vous, je ne connais pas spécialement plus de choses que vous, à moins que, si ce n'est qu'à un moment donné, j'ai arrêté toutes ces choses-là. Peut-être la télé, ça fait des années, je vois qu'il y a un objet qui s'appelle la télé qui a évolué avec le temps. Il y a des gens qui font leur cycle dans la télé, sur la télé, ainsi de suite. Tout le reste, mais je ne perds pas mon temps avec tout ça. Donc, vous, c'est la même chose. Le jour où vous allez dire stop à la perte de temps et que vous allez commencer à vous instruire, à vous cultiver, à lire, à essayer d'exploiter votre temps dans ce qui vous est bénéfique, vous allez voir que vous allez comprendre tout ça. C'est tout. Donc, voilà, le coronavirus, comme je vous l'ai dit, d'un point de vue médical, d'un point de vue santé, c'est pas quelque chose de grave. Donc, arrêtez de paniquer. Au niveau alimentaire, il n'y a pas spécialement besoin de faire des courses et de commencer à se mettre dans une panique pas bizarre. Nous, c'est Allah notre garant, notre allié. Ouais, le lobotomie ambiante. Faites vos doigts, faites vos invocations, vos prières, faites vos ablutions, lavez-vous. En fait, je vous dirais, celui qui a une hygiène alimentaire saine, ainsi de suite, qu'il continue, Inch'Allah, il ne se passera rien du tout. S'il y a 10 personnes qui ont le coronavirus en face de moi, Inch'Allah, il ne se passera rien du tout. Pourquoi? Parce que mon système immunitaire, il fonctionne correctement. Cette maladie, c'est une arnaque, ce n'est pas un virus en soi dévastateur. Eux le mentionnent et nous montrent comme ça. Mais bien sûr, parce qu'on a une mauvaise alimentation, parce qu'on a une mauvaise qualité d'air, parce qu'on a une mauvaise hygiène de vie. C'est ce qui fait que tout le monde est touché. Mais celui qui ne rentre pas dans ce cadre-là, vous n'allez pas être touché. Ça, c'est une chose. Après, voilà, le coronavirus, en soi, il a des conséquences, et ces conséquences, en fait, c'était ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est toutes les actions qui vont être menées derrière. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça a pu vous éclaircir un peu, si ça vous a un peu, donné quelques informations qui ont pu être bénéfiques. Non, c'est ça, exactement. Mais le coronavirus ne rentrait pas dans ce... Et je vous dis une chose, hein, arrêtez de regarder la télé. surtout sur ce sujet-là. Arrêtez de vouloir vous informer sur ces sujets-là. Si vous voulez des sources d'informations, je vous en donnerai concernant l'actualité d'une manière générale et particulièrement le coronavirus. De stocker, c'est pas nécessaire. Par contre, de scruter, de voir comment les choses vont évoluer, ça c'est impératif. Et c'est ce que je fais généralement. Donc, le cours d'après, l'intervention d'après, et ce qui va venir, on va dire, parce qu'on va essayer de garder ça régulièrement, vous aurez des informations de là et des sources vers lesquelles vous aurez des bonnes informations et des axes de recherche qui vont être corrects, qui vont pouvoir vous compléter ou revoir ce qui a été dit et ainsi de suite. Ouais, mais c'est ça. Moi, je l'ai pris la pilule rouge depuis le premier film Matrix, ça fait. Et après, j'attendais de comprendre. Oui, ils sont là juste pour nous mettre la panique et nous contrôler. Effectivement. C'est ça, en fait. Pourquoi, en fait, ils veulent mettre la panique? Parce qu'ils veulent vous pousser à faire d'autres actions que eux ont choisies. C'est pour ça qu'il faut leur dire, écoutez, votre maladie remballez là. Première des choses, et deuxième des choses, hasbunallah wa ni'mal wakil. Si Allah a voulu que je meure par ça, bismillah, ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya coronavirus. Non mais c'est vraiment du n'importe quoi. Justement, le musulman, normalement, il est fort pour sa foi et ainsi de suite. Mais ils ne rentrent pas dans cette manipulation bidon. Il n'y a pas de raison de faire des stocks. Si vraiment la situation se dégrade, c'est pas à cause du coronavirus. C'est parce qu'au-dessus, on a des chayatines et que nous, on est endormis. Voilà, c'est tout. Tout simplement. Donc, le coronavirus, c'est une arnaque. Si vous voulez, je vais vous envoyer, pas bien sûr les sondages qui sont pro-gouvernement, d'accord ? De certaines ONG, et que vous allez voir les maladies, comment elles sont classifiées, et le coronavirus, où est-ce qu'il est. C'est franchement, quand on voit la réaction des gens, pour moi, on arrive à la fin, et sincèrement, entre moi et vous, dès que la situation va se rétablir légèrement, parce que c'est ce qui va se passer, mais là, je vous dis tous, salam alaikum, je quitte la France, c'est fini pour moi. J'ai pas envie que une autre situation se passe, parce que cette fois-ci, ça va être fini. Je pense que les prochaines phases, ça va être, on va dire, le contrôle total. Donc du coup, tu parles de Hind, mais oui, en tous les cas, voilà, barakallahoukoum, mes frères et sœurs, soyez sereins, placez votre conscience en Allah. Il n'y a rien qui va pouvoir vous arriver. Et moi, je vais vous dire, vous savez, la chose qui est sûre de vous arriver, parce que le coronavirus, c'est une arnaque, la chose, et je vous dis, faites très attention, qui va vous arriver, c'est votre mort. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Vous allez mourir. Coronavirus ou pas coronavirus. Donc, on doit se préparer, finalement. Ça, c'est rien du tout, ça, c'est du bidon. D'accord ? Si ça peut nous pousser à être un peu plus consciencieux et un peu plus averti et qu'on devient un peu plus investi, bien sûr, alhamdoulilah, Allah mabarik. D'accord ? Mais si cette seule-là nous fait paniquer alors qu'il y a déjà la mort qui nous menace et l'ange de la mort passe nous voir, il faut arrêter. C'est, à un moment donné, il faut savoir qui c'est qui contrôle mon esprit et mon cœur. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas eux. Voilà. Je pense que Rachikoum Barakallah. Non. J'espère que. Je me permets des fois, c'est juste pour mettre un peu de vie dans le groupe. De là, il y a des frères et des sœurs de différents âges. Voilà, c'est plus la fraternité et notre foi qui est là et qui est censée nous cadrer. Alhamdulillah, on est respectueux et ainsi de suite, même si on va se permettre de temps en temps un peu de prendre ça en dérision, ainsi de suite, c'est pour vraiment montrer que on a peur que d'Allah. Ce qui, la seule chose à laquelle on a vraiment peur et on ne sait pas où est-ce qu'on est, c'est de rencontrer Allah. Dans quel état Allah l'a. Maintenant, coronavirus, ou tu me, encore 10 maladies derrière, il n'y a pas de problème. C'est pas la maladie qui fait que, notre croyance, c'est pas la maladie qui fait que. Il y a des gens, ils ont eu le cancer, on leur a dit, vous allez mourir dans quelques mois, ils ont vécu encore 10 ans, 20 ans. C'est du n'importe quoi. Notre croyance, elle sert à ça. Elle sert à balayer toutes ces bêtises qui sont censées rentrer dans notre esprit. Et les chayatines, qui sont bien placés, ils vont en profiter pour exploiter tout ça. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم احفظنا بحفظك اللهم اغفر لنا اللهم اتب علينا اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم انصر الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وخذل من خذل الدين وانصر من نصر الدين Amin, amin, amin. Et je vous dis à jeudi pour le coronavirus. Mais on ne va pas parler que du coronavirus en soi. On va parler de tout ce qui tourne autour, mais avec une certaine...